souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 5. Montmartre, 1890. Le Montmartre gai et artiste. Ouillette et le chat noir. Le chansonnier Aristide Bruand. Lautrec. Le café de la Nouvelle Athènes. Renoir et Degas. Vers 1890, je m'étais installé à Montmartre, dans le bas de l'avenue de Saint-Ouen, rue des Apennins. Deux petites pièces mansardées composaient à la fois mon logement et mon magasin. Un jour qu'on sonnait et que j'étais allé ouvrir à un visiteur, « Il y a encore quelqu'un qui vient derrière moi », me dit-il. Un amateur montait avec peine, poussé par deux amis. « Un peu de courage, » disait l'un d'eux. « Voir un beau Guillaumin, ça vaut bien qu'on grimpe 5 étages. » Le Montmartre de 1890, ce Montmartre du premier Moulin Rouge, dont Bonnard devait faire pour moi un tableau célèbre. Quel contraste avec le Montmartre d'après-guerre et ses lugubres boîtes de nuit. En ce temps-là, un des divertissements à portée de ma bourse était d'aller le dimanche, sous les arbres qui bordaient l'avenue des Champs-Élysées, assister au défilé des belles calèches. Or, rompant une fois avec les stricts principes d'économie qui m'avaient permis jusque-là de tenir le coup, j'allais passer la soirée au cabaret du Chat Noir. Il y avait là un grand tableau de Ouillette, son Parcé dominé, dont on disait sur la butte qu'il pouvait rivaliser avec les compositions du XVIIIe siècle. Une autre attraction du Chat Noir était d'être servi par un garçon costumé en académicien. J'avais connu Ouillette par le Courrier français, qui groupait la plupart des dessinateurs les plus célèbres de ce moment, à commencer par Forain. Les plus célèbres, cela ne voulait pas dire les plus argentés. Ouillette avait de fervents admirateurs, mais peu d'acheteurs. De même, le peintre Louis Legrand, dans un exigu logement de l'avenue de Clichy, avait déjà gravé quelques-unes de ses plus belles planches sans parvenir à les vendre. Il n'y réussit que le jour où, pour leur profit réciproque, il rencontra l'éditeur Pellé. Les admirables gravures sur bois d'Henri Rivière s'entassaient dans ses cartons. Si son nom était connu du public, c'était pour ses ombres chinoises qu'on allait applaudir aux soirées du Chat Noir, ces soirées où débutèrent Léon Blois, Jules Jouy et le futur académicien Maurice Donnet. Quand on parle des artistes de Montmartre, on pense tout de suite à Forain. Encore que la cruauté des dessins du satirique soit tout le contraire du gai persiflage montmartrois. Combien il y a loin, en effet, d'un Pierrot de Ouillette à la femme tremblant des épaules en mettant la clé dans la serrure, avec, sur ses talons, l'inconnu qu'elle a fait monter. Je me rappelle un autre établissement de Montmartre, tenu par le chansonnier Aristide Bruand, un homme grand et d'aspect robuste, qui se montrait habituellement coiffé d'un feutre à large bord, une sorte d'écharpe rouge autour du cou. Il s'était acquis une certaine notoriété par ses chansons, non moins que par ses brutalités. C'est ainsi qu'à peine le seuil franchi, le client était abondamment engueulé. Ce cabaret connut une grande vogue, mais il finit par disparaître. Son souvenir restera grâce aux affiches que Lautrec a exécutées et où le chansonnier est représenté dans son costume légendaire. L'art de la décoration murale, Lautrec, s'il avait reçu le moindre encouragement, l'eût porté très haut, à en juger par une toile qu'il exécuta pour la baraque de la Goulue, autre gloire montmartroise, qui, après avoir dansé le cancan au Moulin Rouge, était devenue montreuse de lions et autres fauves, tôt dispersés par la faillite. quand la Goulue fut morte, dans l'abandon et le dénuement, les aventures commencèrent pour la toile de Lautrec. Après avoir passé de main en main, elle devait finalement être découpée en morceaux par son dernier acheteur, qui l'avait jugée d'une vente plus facile en la fragmentant. Ces morceaux rassemblés, à la suite des protestations des admirateurs de l'artiste, furent payés 400 000 francs par l'administration des Beaux-Arts, ces mêmes Beaux-Arts qui, 20 ans auparavant, n'auraient eu que moquerie si Lautrec avait demandé qu'on lui confiât un mur à décorer gratis. La fantaisie que Lautrec mettait dans ses œuvres, il la portait dans tous les actes de la vie. Un soir que je rentrais chez moi, ma bonne me dit « Il est venu ce tantôt un drôle de petit monsieur. Je lui ai dit que monsieur Vollard n'était pas là. Et comme je lui demandais son nom, sans me répondre, il a pris un morceau de fusain qui traînait et il a fait, au dos de cette toile tournée contre le mur, un petit bonhomme. Et puis il est parti. » Bonnard, à ce moment, travaillait à une décoration pour ma salle à manger. Et au dos d'une de ses études, Lautrec m'avait laissé sa propre silhouette en guise de carte de visite. J'ai dit que les Beaux-Arts auraient bien ri si on leur avait demandé pour Lautrec une commande de fresques. Après la Goulue, ce fut la patronne d'une célèbre maison hospitalière qui mit à la disposition du grand artiste les murs de son salon. Au café de la Nouvelle Athènes, à Montmartre, se réunissaient deux gars, Cézanne, Renoir, Manet, Desboutin et des critiques d'art comme Duranty. Celui-ci s'était fait le champion de la nouvelle peinture, encore qu'il apportât à ses éloges quelques restrictions. Il reprochait notamment à Cézanne de peindre avec une truelle de maçon. Pour Duranty, si Cézanne mettait tant de couleurs sur sa toile, c'est qu'il devait s'imaginer qu'un kilogramme de verre faisait plus vert qu'un gramme. Manet non plus ne prisait pas beaucoup le peintre d'Aix. Manet, le Parisien fin et élégant, trouvait que chez Cézanne, le peintre reflétait l'homme mal embouché. Mais cette vulgarité de propos qu'il lui reprochait, c'était, à vrai dire, une attitude de Cézanne vis-à-vis de Manet qui l'agaçait par ses manières d'un homme du monde. C'est ainsi que le peintre du Bon Boc, ayant demandé à son confrère s'il préparait quelque chose pour le salon, s'attira cette réplique « Oui, un pot de merde ». On a dit quelquefois, Degas et Renoir, avec leur nature si dissemblable, n'étaient pas faits pour se comprendre. À la vérité, si, devant certaines toiles de Renoir, il arrivait à Degas de dire « Il peint avec des pelotes de laine », exprimant par là qu'il trouvait à sa peinture un côté un peu cotonneux, d'autres fois on a pu entendre Degas, arrêté devant telle toile de Renoir qu'il caressait comme amoureusement, s'écrier « Hein, quelle belle matière !» D'autre part, il n'y avait pas plus grand admirateur du dessin de Degas que Renoir. Bien qu'au fond de lui-même, celui-ci déplora de le voir délaissé, pour la peinture à l'huile, le métier du pastel où il était si pleinement lui-même. Encore qu'ils s'estimassent comme artistes, Renoir et Degas n'en arrivèrent pas moins à se brouiller. Voici dans quelles circonstances. Lorsque Caillebotte fit son testament par lequel il laissait sa collection d'impressionnistes au musée du Luxembourg, il se rappela les prix que Renoir demandait de ses toiles à l'époque où il les avait achetées. Pris d'une sorte de scrupule de les avoir eus à si bon marché, et voulant en dédommager quelque peu le peintre, il lui légua, à son choix, une des œuvres de sa collection. Renoir, à cette époque, commençait à vendre. Ayant appris qu'un amateur était disposé à payer 50 000 francs le moulin de la Galette, tout naturellement, Renoir voulut prendre cette toile. Le frère de Caillebotte, son exécuteur testamentaire, exposa au peintre que la collection devant aller au Luxembourg, il serait regrettable qu'elle fût amputée d'un de ses plus caractéristiques morceaux. La même objection lui fut faite pour la balançoire, et finalement, comme le legs comportait de nombreux dégâts, le frère de Caillebotte proposa à Renoir, qui consentit, de prendre un pastel représentant une leçon de danse. Mais l'auteur des canotiers se lassa vite d'avoir sous les yeux le musicien penché sur son violon, pendant que la danseuse, une jambe levée, attendait la note qui commandait sa pirouette. Un jour, Durand Ruel lui ayant dit « J'ai un client pour les deux gars très poussés. » Renoir décrocha le tableau et le lui mit entre les mains. Quand Degas apprit la chose, ne se contenant plus, il renvoya à Renoir une magnifique toile que celui-ci l'avait laissée, un jour, emportée de son atelier. Une femme en robe bleue, la poitrine découverte, presque grandeur nature. Cette œuvre est de la même époque que le tableau si célèbre, La Dame au sourire. J'étais chez Renoir quand la toile lui fut ainsi brutalement retournée. De colère, saisissant un couteau à palette, il se mit à lacérer le tableau. La robe déjà en lambeaux, le couteau était levé sur la figure. « Mais, monsieur Renoir » m'écriai-je. Il arrêta son geste. « Eh bien, quoi ?»« Monsieur Renoir, vous disiez ici même l'autre jour qu'un tableau, c'est comme un enfant qu'on a fait. Oh, vous m'embêtez avec vos histoires. » Mais sa main s'abaissa, et tout à coup, cette tête m'avait donné tant de mal à peindre. Ma foi, je la garderai. Il découpa le haut du tableau. Ce fragment est, je crois, aujourd'hui en Russie. Renoir jeta rageusement au feu les morceaux tailladés. Puis, prenant une feuille de papier, il y inscrivit ce seul mot « Enfin !» mit la feuille dans une enveloppe à l'adresse de Degas et donna la lettre à sa bonne pour la mettre à la poste. Quelque temps après, rencontrant Degas, celui-ci me raconta toute l'histoire. Et, après un silence, qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire avec ce mot « enfin » ? Probablement qu'il était enfin brouillé avec vous. « Ça, par exemple !» s'exclama Degas. Manifestement, Degas n'en revenait pas. L'époque de la pleine célébrité de la Nouvelle Athènes, où, comme on l'a vu, se réunissaient les impressionnistes, c'est l'époque de la loge, dont Renoir eut tant de peine à trouver les 425 francs qui lui étaient nécessaires pour payer son terme. C'est aussi l'époque de la femme au juste au corps de satin blanc de Manet, étendue sur un sofa, tableau que j'ai vu, bien plus tard, vers 1895, à la vente Nadar, ne pas faire 1500 francs. C'est également l'époque des fameux dindons blancs de Claude Monet, qui, à la vente Osdé, n'atteignirent pas 100 francs. Et même, vers 1900, un grand marchand des boulevards, pour écouler un lot d'impressionnistes qu'il s'imaginait faire tort à ses autres tableaux plus poussés, n'avait trouvé rien de mieux que de les déposer dans une petite boutique du boulevard extérieur qui était devenue très achalandée grâce aux amateurs qui cherchaient la bonne occasion. Un jour, passant sur le boulevard de Clichy, la curiosité me fit entrer dans un petit restaurant qui portait comme enseigne « Au tambourin ». Conformément à cette désignation, on y voyait force tambourins sur lesquels des artistes avaient peint toutes sortes de sujets. Et il n'y avait pas seulement que des tambourins. On y voyait aussi des toiles d'une couleur qu'on pouvait être tenté de trouver provocante. En même temps que moi, entrait quelqu'un qui, s'adressant à la patronne, « Est-ce que Vincent est arrivé ? Il sort d'ici. Il était venu accrocher ce tableau de tournesol. Et il est reparti tout de suite. » C'est ainsi que je faillis me rencontrer avec Van Gogh. On conçoit que sa clientèle d'artiste ne devait pas enrichir la commerçante, une certaine Madame Segatori, perpétuellement guetté par la faillite, et qui finit par voir son matériel, ses tambourins et ses Van Gogh dispersés au hasard des enchères. Enchères plus que médiocres, car Van Gogh n'avait connu jusqu'alors que des succès de rire, quand il n'excitait pas la colère. Comme dans le cas de ce marchand de tableaux que je vis un jour ne se tenant pas de fureur. « Le toupet des gens, » m'expliqua-t-il. « Ce type qui, pendant que j'avais un amateur sur un cuisinier de Joseph Bail, est venu me proposer une toile d'un nommé Van Gogh, représentant un paysage avec, dans le ciel, une lune polychrome qui avait l'air d'une toile d'araignée. C'est ça, hein, qui est bon à faire appliquer la clientèle ?»